Je remercie tout le monde. J'ai les jambes sciées complètement. C'est tellement. Non, mais c'est tellement naturel pour moi ce qui se passe, ce que je fais. Il n'y a rien de surnaturel ou de. C'est comme pas difficile pour moi de procéder à l'adoption parce que on dirait que c'est inscrit dans l'ordre des choses. Il fallait que ça se passe comme ça. Pour moi, c'est tout à fait normal. Ça me touche beaucoup de voir tout ça. Le gars le plus chanceux au monde. Depuis un bout de temps, c'est incroyable. Je suis vraiment le plus chanceux au monde. Pour plein de raisons que vous connaissez. Bravo, Jean-Pierre!